exactement. Bernard, d'où ça vient ce fameux besoin-là des autres? Ça fait partie de l'émotion de l'ego. C'est notre émotion. Parce que l'ego, il vit en société. Oh, ça, c'est belle. Je suis content que tu me demandes ça parce que ça me mène à développer. Attends. L'ego, il vit en société. Son premier problème à l'ego, c'est qu'il vit en société. Puis il faut que l'ego en arrive un jour à ne pas vivre en société. Mais à vivre dans l'éther. Dans l'éther, il n'y a pas de société. Il y a une communauté de conscience. Il y a une unité de conscience dans l'éther. Il n'y a pas de société dans l'éther. Parce que une société, c'est une structure, c'est une organisation temporelle, pour le développement psychologique, mental, émotionnel, vital, matériel d'un homme. Quand un homme est rendu dans le stage du surhomme, quand il est rendu dans le stage de la lumière, quand il est rendu dans le stage de l'éther, quand il est rendu dans le stage du libre-esprit, quand il est rendu dans le stage où il peut se servir de son esprit comme véhicule aux yeux de se servir de son corps matériel, l'homme devient quoi? Il devient homme-esprit et automatiquement il entre dans la communauté des hommes-esprits. Dans la communauté des hommes-esprits, il n'y a aucun lien personnel. Il y a seulement des liens au niveau esprit. Donc automatiquement, il n'y a plus de société. Même s'il y a des corps matériel d'une autre vibration dans ces domaines-là. Mais sur le plan matériel, nos corps sont tellement denses puis nos émotions sont tellement fortes que on se sent obligé. Puis ça, c'est tout rattaché au fait qu'on doit survivre. Le problème de l'homme, ce qui engendre chez l'homme son incapacité, c'est qu'il est obligé de survivre. Si les gens n'avaient pas à survivre, si les gens n'avaient pas à travailler, n'avaient pas à travailler pour manger, tu penses que les gens ne se crisseraient pas du monde? Comment tu faisais? Si tu n'avais pas besoin de travailler pour manger, tu penses que le monde ne se crisseraient pas du monde puis ne se crisseraient pas de tout? Parce qu'il n'aurait pas besoin de rien. C'est parce qu'on a besoin de beaucoup de choses. Qu'il se crée une ambiance, puis un lien, puis un attachement, un magnétisme entre les personnalités. Mais quand t'as pas besoin de rien, Charlie, tu te foutes de tout. Puis quand tu te foutes de tout, qu'est-ce que tu fais? Tu t'arranges pour avoir rien à faire avec rien. Tu te coupes. T'es bien avec rien parce que t'as tout. T'es d'une autre dimension. Fait qu'à ce moment-là, tu travailles avec ceux qui sont dans la même situation que toi, puis automatiquement, tu crées plus de lien entre les individus. Fait qu'automatiquement, à ce moment-là, t'es une société universelle. Oui, il y a une société temporelle, une société universelle. Mais c'est le fait que, surtout dans une cassette de dimanche, j'ai fait une cassette sur le travail. Écoutez-la bien, ça va être bonne. C'est important. Le travail est devenu pour l'homme un fardeau, est devenu pour l'homme une obligation, est devenu pour l'homme une nécessité. Puis il y a une différence entre une obligation et une nécessité. Tout le monde a la nécessité, mais pas tout le monde a l'obligation. Mais tout le monde a la nécessité. À moins d'être bien riche, puis avoir des héritages, tout quoi, tu peux vivre sans rien faire. Puis encore, tu as besoin de quelqu'un pour t'organiser ta finance. Tu sais. C'est quasiment inévitable. Mais c'est cette nécessité matérielle-là qui est liée au fait que l'homme vit sur un plan matériel, qui crée des liens entre les hommes. Fait qu'automatiquement, il y a des liens qui sont essentiels. Ainsi de suite. Mais dans toute l'échelle de la pyramide, à un certain niveau que tout ça, cette affaire-là, il y a des choses qui sont plus essentielles. Puis où les choses de la vie ne sont plus essentielles, c'est où le retour va contre ton évolution. Fait que travailler, c'est essentiel, c'est bon, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses qu'on fait qui sont essentielles. Mais où c'est plus essentiel, c'est où ça retarde ton évolution, puis ça t'empêche de t'individualiser, puis rentrer dans ta propre conscience, rentrer dans ta propre énergie pour éventuellement arriver à un autre plan intelligent, où les conditions de vie sont totalement changées. Mais les forces, si l'homme ne comprend pas les forces par lui-même, si l'homme ne se comprend pas lui-même, parce que les forces sociales et leur relation avec l'homme, leur attache sur l'homme, proviennent toutes du fait que l'homme a de l'émotion. De l'émotivité quelconque. C'est comme mon chum, ça, qui travaille pour une compagnie, puis qui est pogné dans le devoir, puis la responsabilité, puis l'honneur. J'ai dit, mais moi, c'est ma mère, je suis là-dedans, ces trois affaires-là. Il le met à H là-dedans pour lui, il se trouve bien. Il travaille encore pour la compagnie. Puis ça balance ses énergies, puis ça l'aide, ça marche. Mais au moins, il est pas pogné dans la neuve de responsabilité puis le devoir. Sans ça, il deviendrait un esclave de cette compagnie-là. Des quoi, ferme ses portes le lendemain matin puis il donne une montre de 25$ parce qu'il était là pendant 30 ans. Lui, ça le met sur le cul, c'est qu'il reste. Fait que là, il a ouvert ses lumières, il s'est trouvé un petit job en attendant. Fait que s'il ferme leur porte, il y a un petit job à côté. Bref, ça marche tout seul, ce petit job. Autrement dit, il a brisé la loi de nécessité, puis il a transformé la loi de nécessité pour qu'elle devienne un support en attendant que. Mais c'est toutes nos émotions. On se lie par nos émotions, puis on ne réalise pas. Veux-tu me dire une chose? C'est quand tu deviens conscient que tu commences à réaliser comment est-ce que tu étais inconscient. Tant que tu es spirituel, tu réalises rien parce que ça fait partie de l'inconscient. Tant que tu es matériel, tu réalises rien, ça fait partie de l'inconscient. C'est quand tu deviens conscient que tu réalises que les deux t'ont enchaîné à un niveau ou à un autre. Si tu travailles et tu as peur de perdre ta joie, ben tu lis chez ta langue des mots. Ben, évident. Les mots, c'est pas la joie d'ailleurs. C'est sûr. C'est sûr. Il y avait un article dans le journal dernièrement, là, le gouvernement a fait une loi contre ça, c'est une loi qui est pas bête pantoute. T'as des filles qui travaillent dans les bureaux. Il y en a qui sont coupées au couteau, des belles petites filles. Puis le patron, lui, il pense pas toujours à ses affaires. Fait que si la petite fille elle couche pas avec lui, elle va perdre sa job. Le gouvernement a mis une loi contre ça, c'est bon. Ça protège la petite fille. Syndicat ou whatever. Puis il y en a combien? Puis c'est tout vous de même, puis de même, puis de même, puis de même. C'est fait que la petite vie, il vend son corps pour sa job, puis le gars, il vend son âme pour sa job. Puis quand il est allé s'en voir, il y a quel idéal. C'est ça. Puis il en prend un autre. Il change de secrétaire, ça va appeler. J'avais été aiguisé par une application, j'avais une vingtaine d'années. Le bonhomme m'engageait. Et mon beau-frère, il m'a dit si tu couches pas avec, t'es pas la job. Mais j'aime. C'est le même sort? Il m'a engagé. Ouais. Il m'avait pas dit qu'on ouais, c'est ça. Regardez, dans l'industrie du spirit. Il était pas pour s'en vanter. Regardez dans l'industrie du film comment ça marche. Ouais. C'est même partout. Il y a des jeunes filles, là. Même toi, des jeunes filles. Qui veulent être, quand t'es jeune, tu veux être artiste, tu veux être. T'sais, t'as tout un idéal. T'sais, t'es pur dans ton esprit quand t'es jeune. Tu rentres là-dedans, Charlie, pis là, t'es doué, tu commences à faire des conditions. 5 ans après, c'est fini, ta personnalité est toute changée. T'es plus l'artiste. Tu t'arrives. C'est même plus pour avancer, c'est rien que pour garder ce que t'as. Ouais. Ouais. C'est pour garder ce que t'as. Parce que t'es attaché à ce que t'as. Je veux l'affaire, tu te rends compte qu'il y en a d'autres. Ouais, ouais, ouais. C'est quoi l'inconscient? Moi, il m'a dit une chose, je voudrais pas être une femme aujourd'hui. C'est pas un cadeau. C'est pas un cadeau être une femme. C'est très dur. Tu fais pitié. Mais non, c'est pas ça que je peux dire. Non, mais c'est merveilleux d'être une femme parce qu'une femme peut... aller au-delà. C'est pas ça que je me dis. Non, mais dans le sens. Ce que tu dis, je comprends ce que tu dis, ouais, t'as c'est raison. Ben, c'est ça. Mais dans le cas. Et ce que je veux dire, c'est l'autre bord. Le côté de Dieu. Oui, si on va pas. Je voudrais bien être une femme consciente, puis une femme, qui sait, même inconsciente. Il y a des femmes inconscientes, tu dis que tu fais pas ce que tu veux avec. Mais les femmes en général, ils ont pas de pouvoir, ils ont pas de. Ils ont pas de. Ils savent pas sans ça, ça arrive. Ça me fera rien d'être ma femme. Être ma femme, ça me dérangera pas. Tu te le bosses, il met sa vie de bonheur le même matin, tu vois. Une vraie tigresse. Ben avant d'être comme ça. Ouais, t'es bon. Du jello aux fraises. Ah, quand t'es conscient, tu es une femme, t'es évident. T'es au bout. T'es au bout. Je dois rentrer, par exemple. Femme. Bernard, c'est quoi la fonction des larmes? Des larmes? Des larmes? Ben, ça dépend. Ça dépend. Tu peux pleurer tout seul. Sans raison. C'est un excès d'énergie qui fait vibrer le plexus solaire, qui fait vibrer les larmes. C'est une relaxation, ça canalise. C'est ça, Maxime. T'as trop plein. C'est bon. Y a tout ça de raison, mesdames. C'est bon. C'est bon pleurer. C'est ça. Les gens qui s'empêchent de pleurer, c'est bon pleurer. Pleurer, c'est pas une émotion, si je comprends bien. Non, non, pleurer, c'est pas une émotion. Pleurer, c'est une. C'est le résultat de la vibration d'une émotion. Ça prend une émotion pour faire pleurer. Bon, mais pleurer, c'est pas une émotion, c'est un phénomène physiologique. Bon, mais si t'as plus d'émotion, tu pleures pas. Si t'as pas d'émotion, tu pleures pas. Quand elle vient, tu pleures. Il y a des gens qui coupent l'émotion, ils pleurent pas, fait que ça vient toute tête en dedans. Il refoule. Tu parles beaucoup de te débarrasser de ces émotions, puis le mouvement en ce moment, c'est le contraire, c'est démontrer. Ah. Parce que les gens les ont toutes refoulées, ils. Il ne s'agit pas de démontrer les émotions, il s'agit de laisser passer la vibration, puis quand elle déclenche, paf. Fait qu'ils les vivent quand ça arrive. Ils les vivent quand ça arrive. Sans ça, à ce moment-là, vous allez devenir des madeleines. Pleurer, chef. Non, parce que s'en débarrasser, fait que... Non, non, non. S'en débarrasser. Faites attention, quand je parle, c'est jamais ça que je veux dire. C'est jamais s'en débarrasser. Faut qu'on cherche des mots. On comprend ce que ça veut dire, les mots. Ouais. Faut jamais se débarrasser de nos émotions. Ils se transmutent, nos émotions. Faut jamais se débarrasser. Faut rien faire au niveau de l'ego. Puis tous les mots s'appliquent au niveau de l'ego. C'est pour ça que je suis obligé de faire attention, puis comment je parle, parce que les gens... L'interception vibratoire de l'intelligence nous amène à dominer tout autour de soi. J'explique. Pour aimer. Aimer, il me check tout le temps ses mots, mon Dieu. Pas de dictionnaire, c'est juste. Quand je veux dire dominer tout autour de soi, je veux dire contrôler tout autour de soi sans dominer. Comprenez-vous ce que je veux dire? Dominer tout. Quand t'es conscient, t'es dans l'interception des vibrations, tu domines tout autour de toi, mais tu domines... Comment est-ce que j'ai dit ça? Tu contrôles... Ouais, tu contrôles tout autour de toi, ça veut dire... Quand tu contrôles consciemment, c'est pas quand tu contrôles inconsciemment. Quand tu contrôles inconsciemment, c'est au niveau de ton ego. Quand tu contrôles consciemment, c'est au niveau de ta volonté. Qui est pas la volonté subjective de l'ego, mais qui est l'énergie. Puis à ce moment-là, tu domines autour de toi sans contrôler. Ou tu contrôles autour de toi sans dominer. Sans imposer. Sans imposer. Ça se place. Ça s'impose tout seul. OK? Ça s'impose tout seul. Ça se passe tout seul. Ouais. Comprenez bien ce que je veux dire, là. C'est parce que... Tu contrôles sans dominer et tu domines sans contrôler. Parce que t'es pas dans l'ego, t'es dans l'énergie. Parce que tu travailles avec les trois. Tu travailles avec l'intelligence, la volonté, et l'amour. C'est ça. Exactement. Ça marche-tu, là, avec toi, là? Mon baromètre. Ben, il faudrait peut-être avoir checké. Ah, je sais. Je sais pas si c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Répète-le encore ce que tu dis. J'ai l'impression de plus dominer parce qu'il n'y a rien qui nous domine. Qui nous domine. On a l'impression de tout dominer parce que... Quoi? Il n'y a rien qui nous domine. Parce qu'il n'y a rien qui nous domine. C'est ça qu'il dit, là, Aimé Michel, Aimé Michaud. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Tu t'impliques pas, tu n'es jamais impliqué. C'est impliqué dans quelque chose, c'est perdre quelque chose de soi. C'est perdre de l'énergie. C'est perdre de soi-même. S'impliquer, c'est donner de soi sans avoir le pouvoir de ne pas donner de soi et continuer à avoir une relation avec. Ça marche? L'aspect important de la perception, de l'interception de l'énergie vibratoire de l'intelligence, c'est ceci. C'est que plus on intercepte vibratoirement l'intelligence, plus on change les vibrations de nos neurones. Ça, ça n'a pas ça. On change les vibrations de nos neurones. Et les vibrations de nos neurones se changent seulement quand on commence à tomber et à fonctionner au niveau de la de l'interception de la vibration. Quand on communique avec eux autres, on change pas les vibrations de nos neurones. On change le mouvement vibratoire de notre conscience psychologique. On change, on altère notre psychologie quand on communique avec eux autres. Parce qu'eux autres nous parlent d'une façon, nous autres on parle d'une façon. Fait qu'automatiquement, il y a une dualité qui se forme, il y a une polarité qui se forme. Et la polarité brise la polarité naturelle du corps mental qui fait qu'on pense qu'on pense. Fait qu'avant d'être seul, là, on est deux. Après ça, quand on redevient un et qu'on tombe au niveau de la vibration, on change la vibration de nos neurones. Puis c'est le changement vibratoire de nos neurones qui nous amène à la conscience cosmique. Parce que pour entrer dans la conscience cosmique, autrement dit, pour entrer dans la conscience universelle, autrement dit, pour entrer dans la conscience pure, autrement dit, pour entrer dans la conscience en dehors de l'ego, autrement dit, pour être, autrement dit, pour ne pas s'appartenir personnellement à soi-même, autrement dit, pour ne pas avoir de réflexion en soi-même, autrement dit, pour ne pas être homme, autrement dit, pour être sur-homme, autrement dit, pour être au-delà de et au-dessus de la condition humaine planétaire, on ne doit pas être capable de penser rien qui puisse nous donner quoi que ce soit personnellement. La seule chose qui fait ça, c'est la perception ou l'interception vibratoire de l'intelligence. Alors, quand tu es dans l'interception vibratoire de l'intelligence, que tu ailles chercher n'importe quoi sur le plan matériel ou sur les autres plans, tu vas jamais le chercher par le biais de toi-même. Le toi-même sert simplement à aller le chercher parce que le toi-même est sur un plan inférieur à la lumière. Ce qui crée le contact entre la lumière et les plans inférieurs. Et qui permet l'évolution. Tu ne peux pas aller chercher quelque chose par le biais de toi-même, pour le bénéfice de toi-même, à l'intérieur d'une réflexion de toi-même, en te servant de cette vibration-là, parce que cette vibration-là ne se capte pas par l'ego. Elle se capte. Elle se capte. Voyons, pardon. Elle se capte pas par l'ego dans ce sens que l'ego ne peut pas s'en servir. Elle passe à travers de lui. C'est ça qui désengage l'ego. Fait que si l'interception vibratoire t'amène à faire telle chose ou aller chercher telle chose dans le monde matériel ou dans le monde éthérique ou dans n'importe quel monde, que tu fasses l'expérience de la volonté, l'intelligence et de l'amour à travers de cette vibration-là, ce n'est jamais par l'ego que tu le fais. L'ego est simplement un canal. C'est pour ça que rendu à ce moment-là, l'ego n'est plus conscient de lui-même. La personnalité n'appartient plus à l'ego. Elle est le support de l'ego, mais elle est sous la domination de l'esprit de l'homme. Elle sert l'esprit de l'homme. C'est rendu à ce moment-là que tu as le pouvoir de faire ce que tu veux dans la vie. Mais c'est tellement ajusté, ça, le ce que tu veux dans ta vie, que le ce que tu veux dans ta vie coïncide avec le ce que tu peux dans ta vie. Et ça, ça te rend parfaitement bien dans ta peau au stage de la vibration. Quand la vibration change, ce que tu veux, qui devient le ce que tu peux, est plus vaste encore, et ainsi de suite. Fait qu'automatiquement, plus tu avances dans le temps de la vibration, plus tu avances dans le pouvoir de la vie sur le plan où tu es, plus tu as accès à tous les aspects de la vie dans le plan où tu es, plus tu as une vie parfaite dans le plan où tu es, plus tu as une vie vaste dans le plan où tu es, puis à un certain moment, il y a un décalage total qui se fait entre toi en tant qu'homme puis toi en tant que surhomme. Entre toi en tant qu'homme ancien, entre toi puis l'homme nouveau, entre l'humanité puis toi-même. À ce moment-là, tu deviens un inconnu à l'humanité, tu deviens un intouchable, tu deviens totalement occulte à l'humanité dans ce sens que l'humanité, que tu fonctionnes sur le plan matériel ou que tu fonctionnes sur d'autres plans, l'humanité ne peut pas comprendre comment est-ce que tu es pu arriver à ça. Puis elle peut pas comprendre comment t'es arrivé à ça parce que t'es pas arrivé à ça par des moyens qui sont humains. T'es arrivé à ça par l'interception de la vibration de l'intelligence. À ce moment-là, ta vie devient extrêmement vaste. Ta vie coïncide avec ce que tu veux faire. Parce que ce que tu veux puis ce que tu peux coïncide. Puis automatiquement, l'âme et la personnalité sont un. Automatiquement, tu peux faire dans la vie parce que là, tu rentres dans ta destinée. Puis automatiquement, quand tu rentres dans ta destinée, ta carrière ne te sert plus. Parce que tu as créé une condition de vie totalement autre, qui est totalement occulte, qui est totalement vibratoire, qui est totalement dans le potentiel de cette intelligence-là que tu peux intercepter, qui est totalement à l'intérieur de la volonté de cette intelligence-là et qui est totalement en harmonie vibratoire avec l'amour de cette intelligence-là. Fait qu'automatiquement, là, tu deviens occulte, tu deviens cosmique. Tu travailles sur une autre échelle de l'évolution, tu travailles sur une autre échelle de temps. Tu n'es plus homme, mais tu peux vivre sur le plan humain, sur le plan matériel, une vie très, très vaste, avec la seule différence que les moyens à ta disposition sont totalement occultes. Puis c'est à ce moment-là que tu commences à ne plus avoir de limites sur ta vie, parce que ta vie coïncide sur le plan le plus bas avec les aspirations les plus hautes de l'âme. Et les aspirations de l'âme, les aspirations les plus hautes de l'âme sont effectivement les aspects cosmiques de ta personnalité sur le plan matériel ou sur l'autre plan. Tu rentres dans un autre âge, dans un autre temps. Tu ne fais plus partie des âmes. Alors, t'as passé le stage du matériel, t'es plus dans le matériel, t'es plus dans la spiritualité, tu n'es plus dans la conscience. T'es totalement universel. T'es un agent libre. Tu travailles intelligemment avec les forces extraterrestres. Tu construis sur la Terre les laboratoires pour la science, l'évolution d'une science nouvelle. Tu construis les formes dans les Terres pour cette science-là, pour les faire descendre plus tard dans la matière quand les hommes seront prêts à la recevoir. Autrement dit, tu deviens un fils de la lumière. Alors, est-ce que les hommes n'aspirent pas tout ça? Quoi? Est-ce que les hommes n'aspirent pas tout à cette fusion-là? Faut que j'aille aux toilettes, je reviens. Faut que j'aille aux toilettes. Je vais revenir. Ce qui nous empêche de comprendre puis de sentir ou d'avoir accès à la perception ou l'interception de la vibration, c'est qu'on réalise pas l'importance de faire ce que j'appelle les mouvements. Faire les mouvements, c'est un mouvement de la conscience en soi. Je vous donne un exemple. D'abord, avant de dire ça, là, ce que je vais expliquer, c'est que l'interception de la vibration de l'intelligence, c'est tellement fort, c'est tellement haut en vibration que ça peut pas, on peut pas le recevoir dans notre mental tout de suite. Ça fout que le mental s'ajuste, puis il s'ajuste. Sans ça, ça nous brûlerait le cerveau. Sans ça, on viendra fou. Fait que c'est petit à petit qu'on en arrive à pouvoir percevoir cette vibration-là. Puis le moyen pour en arriver à la perception de cette vibration-là, c'est de réaliser l'importance de faire des mouvements. Puis là, je l'explique. Je vous donne un exemple. Vous prenez un gars qui veut s'acheter une maison. Il va à telle place, ça marche pas. Il va à telle place, ça marche pas. Ça fait 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, puis il cherche toute ta maison, puis il la trouve pas à la maison. La même chose au niveau des jobs. Puis à un certain moment, whoop, l'affaire, elle tombe dans le sac. Il y a une job, puis c'est la job, il faut qu'il y aille. Si le gars, il se goûte décourage, puis il dit, ah, j'ai pas trouvé une job, j'arrête. Il se coupe de l'énergie qui s'amplifie en lui. En s'empêchant de faire les mouvements, il se coupe de l'énergie qui s'amplifie en lui parce que il va faire interférence au niveau de son ego. Il va faire interférence au niveau de ses émotions qui vont créer le découragement, il va être tanné, il va rationaliser la situation. Puis faire les mouvements, c'est ne pas rationaliser la situation. Faire les mouvements, c'est suivre l'énergie de l'âme qui n'est pas suffisamment ajustée pour qu'on puisse l'intercepter parfaitement. Fait qu'automatiquement, on perd de l'énergie, mais en même temps, on développe de la résistance. C'est en développant de la résistance dans les mouvements qu'on en arrive à développer la capacité d'intercepter la vibration de l'intelligence. Ben, je le répète, là. Quand on est inconscient, on ne suit pas les mouvements. On fait des mouvements. Quand on devient conscient, on suit les mouvements. Fait que l'énergie s'amplifie. Elle s'amplifie, puis elle s'amplifie. Les mouvements à bord, c'est pas celui-là. Là, tu tournes à gauche, fous t'en face à l'autre. Là, fous t'en face à l'autre. Ensuite, fous t'en face à l'autre. Finalement, tu trouves ta maison. Tu as développé la résistance in the meantime. C'est la résistance du corps mental supérieur qui se développe. Parce que en faisant beaucoup de mouvements, tu t'es écœuré. Tu as pris le faux cul. Tu es en maudit contre eux autres. Tu transmutes l'énergie émotionnelle en énergie mentale. Automatiquement, tu développes la résistance. Puis éventuellement, ton radio s'ajuste, puis s'ajuste, puis s'ajuste. Puis un jour, tu rentres dans l'interprétation, l'interception de l'énergie vibratoire de l'intelligence. À ce moment-là, tu fais plus de mouvement pour rien. Parce que l'énergie est ajustée. Puis quand l'énergie est ajustée, tu n'as plus d'énergie à perdre émotivement parce qu'elle a été transférée dans le mental supérieur. Fait que tu n'as plus ici à perdre. Tes mouvements se font plus vite ou ils se font instantanément. Instantanément. Puis ça, ça n'a pas de fin. C'est une interception vibratoire de l'intelligence. Puis plus tu rentres dans la conscience cosmique, plus ta capacité d'intercepter la vibration de l'intelligence est grande. C'est pour ça qu'à un certain moment, tu rentres dans ce que j'appelle l'infinitude de l'intelligence. Quand tu rentres dans l'infinitude de l'intelligence, tu rentres dans la science de l'intelligence. La science de l'intelligence étant l'intelligence parfaite de l'infinité de tes mouvements. De sorte que, comme je prenais l'exemple que j'ai fait à soir, là, graphiquement, dans 20 ans, admettons qu'il y a une bombe, admettons qu'il y a une guerre mondiale, admettons qu'il y a de la radioactivité, que ça va bien mal dans le monde. À ce moment-là, tu as besoin de l'infinitude de ton intelligence pour te trouver un petit trou quelque part pour te terrer, pour avoir la paix pendant un certain temps, pas te faire brûler les fesses. Ouais. Sur le plan matériel, au niveau de l'éther, c'est la même chose, avec la seule différence que dans l'éther, t'as pas des limitations matérielles. Mais dans l'éther, t'es obligé de fonctionner aussi au niveau de l'infinitude de l'intelligence. Mais dans l'éther, c'est plus normal, c'est plus naturel. Tandis que sur le plan matériel, c'est plus difficile, c'est moins normal, c'est moins naturel parce qu'on est sorti du naturel. Fait que pour nous autres, c'est toute une affaire. Parce qu'on a de l'émotion qui nous empêche de nous servir de cette vibration-là, qui fait partie de nous autres. Alors, quand ça va bien, que la politique est stable, les affaires dans le monde vont bien, puis tout le monde travaille, t'as ton petit 9 à 5, tu t'en vas chez vous le soir, puis tu regardes des vies de cowboys, ça marche. Mais quand le terrain commence à trembler sur le sol, sous tes pieds, tu commences à te demander des questions, tu commences à paniquer, c'est là que tu as besoin, la capacité d'interpréter parfaitement la vibration. Fait que si la vibration, elle te dit, reste là deux semaines, tu restes là deux semaines. La vibration, elle dit, va-t'en, prends l'avion, va-t'en à ta place, tu s'en vas à ta place. La vibration, elle dit, pars de là, va-t'en à ta place, tu s'en vas à ta place. La vibration, elle dit, pars de là, va-t'en à ta place, tu s'en vas à ta place. T'arrives où tu dois être. T'es toujours en sécurité. Parce que c'est l'âme qui dirige l'ego qui dirige la personnalité. Sans ça, c'est l'ego qui panique, qui coupe la communication entre l'âme et lui-même, puis qui met le fardeau de la vie sur la personnalité à pète, à capote. Parce qu'il y a une bombe qui a pété quelque part. C'est fragile, une personnalité. Ça marche tant que ça marche. Mais aussitôt que c'est tough un peu, elle a besoin de l'aide. Qui c'est qui donne l'ego? Si l'ego vaut pas de l'air, elle a capote pareil. Mais si l'ego vaut clair, parce qu'il y a une relation, parce qu'il est capable de capter, d'intercepter la vibration de l'intelligence à ce moment-là, il est correct. Automatiquement, la personnalité va être constamment soulagée dans, ses, dans les aspects difficiles de la vie. Parce que moi, quand je vous dis qu'il n'y a jamais rien de sérieux, je suis sérieux. Il n'y a rien de sérieux. C'est une illusion de la personnalité. Si l'homme était dans l'infinitude de son intelligence parce qu'il pourrait capter, intercepter cette maudite vibration-là qui est subtile, qui fait partie de l'âme, et que l'ego n'est pas capable, n'est pas habitué à intercepter parce qu'il y a trop d'émotions, parce que l'âme, c'est pas comme l'ego. L'ego, c'est fin. L'ego, ça cajole la personnalité. L'âme, ça cajole pas l'ego. L'âme, ça travaille tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si l'ego n'est pas conscient, l'homme souffre inconsciemment comme on connaît l'homme dans le monde. Puis s'il est conscient, il souffre consciemment, il change ses corps. Une fois qu'il est ajusté entre l'âme et l'ego, quand les deux sont ajustés, à ce moment-là, l'âme, c'est le grand plaisir de l'ego. L'âme, c'est la grande vision de l'ego. L'âme, c'est la capacité de l'ego. L'âme, c'est le pouvoir de l'ego. L'âme, c'est tout. La patente. Parce que l'âme, c'est l'âme, d'abord, qui descend sur l'état inférieur pour se manifester dans un corps d'évolution quelconque. Donc, l'interception vibratoire de l'intelligence est extrêmement important, puis ça vient dans son temps, au fur et à mesure que la conscience grandit, puis grandit, puis grandit, puis grandit, puis grandit. C'est pour ça que je dis, à un certain moment, tu réalises l'importance de jamais prostituer ta vibration. Tu prostitues ta vibration, automatiquement, tu te coupes d'elle. Comment tu as prostitué? Pour les meilleures raisons au monde, ta belle-mère est fine, ainsi de suite. La vibration en passe. Faut que tu agisses avec elle. Si tu n'agis pas avec elle, c'est final. Tu retardes ton évolution, tu retardes le contact entre l'ego et l'âme. Tu restes encore dans conscience ou tu restes encore dans spiritualité. Faut que l'ego un jour en sorte de la conscience pour rentrer dans l'intelligence pure. En dehors de la conscience, c'est l'intelligence pure. Pis c'est là que rentre le phénomène de l'interception vibratoire de cette énergie-là. Mais l'ego, il a deux faces. L'ego, il veut puis il veut pas. Comme il disait en anglais, everybody wants to go to heaven, but nobody wants to die. Puis ce qui donne les deux faces à l'ego, c'est son intellect puis son émotion. Puis il faut que l'ego en ait plus de faces. Puis l'ego, il n'a plus de face quand il intercepte ça. Parce qu'aussitôt que tu interceptes cette vibration-là, tu te désengages de ton intelligence pour te rapporter simplement à cette intelligence-là. Fait que quand l'ego n'a plus d'intelligence, c'est là, à ce moment-là, qu'il rentre dans la conscience cosmique. Parce qu'un homme qui a une conscience cosmique, il n'a pas d'intelligence en tant qu'ego. En tant qu'ego, c'est un yo-yo. Mais si la vibration passe, il peut être bien des gens. Si elle passe pas, c'est un yo-yo. Voilà, vas-y. Fait que si la vibration passe, puis elle veut que son cerveau fonctionne comme un computer, il fonctionne comme un computer. Le monde dit qu'il est intelligent, lui. Non, lui, il sait qu'il n'est pas intelligent. Il sait qu'il intercepte la vibration. C'est là que l'homme rentre dans le mystère de l'homme. Quand l'homme rentre dans le mystère de l'homme, il rentre dans les secrets de la vie. Parce que les secrets de la vie sont contenus dans le mystère de l'homme. L'homme, il y a quatre mystères fondamentaux. Il y a le mystère A. Le mystère de la conscience. Il y a le mystère de la vie. Il y a le mystère de l'intelligence. Puis il y a le mystère de la volonté. L'homme, il n'y a pas de mystère de l'amour. Parce que c'est un surhomme qui connaît le mystère de l'amour. Quand tu es surhomme, tu connais le mystère de l'amour. Mais quand tu es conscient, tu peux connaître les quatre autres mystères. Il faut que tu connaisses ces mystères-là, parce que ces mystères-là, quand tu les connais, t'amènent au secret de ces mystères-là. Quand tu rentres dans le secret des mystères de l'homme, à ce moment-là, tu commences à rentrer dans le secret de la vie de la planète, tu commences à rentrer dans le secret de la fonction de la planète. Tu commences à rentrer dans le secret de l'éther. Tu commences à rencontrer dans le secret de la matière atomique de ton corps. Tu commences à rentrer dans le mystère de la lumière. Parce que c'est important pour l'homme de comprendre le mystère de la lumière. Parce que c'est avec la lumière que l'homme travaille tout à l'heure. Il travaille pas avec des clous de marteau. Puis une fois que l'homme comprend le mystère de la lumière à ce moment-là, il a souvenance de tout. Puis quand l'homme a souvenance de tout, il est un être créateur, autonome. Il fait partie de la hiérarchie. C'est un être divinisé, c'est un être pur, c'est un être parfait à l'échelle de son évolution. Et c'est un être qui peut rendre des services énormes à une humanité quelconque ou à une race quelconque sur une planète. Parce qu'à ce moment-là, il est libre. Il a accès à tout parce qu'il a souvenance de tout. Et il est capable de faire tout ce qu'il doit faire. C'est pour ça qu'à un certain moment, dans l'évolution de la conscience, l'homme doit en arriver. C'est pour ça que je vous dis, Mme Manzano, M. Manzano, occupez-vous pas des livres, occupez-vous pas des conférences, occupez-vous pas de la mémoire. Essayez pas de vous rappeler. Parce qu'automatiquement, vous donnez à l'ego un support psychologique, qui est l'intelligence humaine. Vous n'avez pas besoin de ça. Parce que tout à l'heure, vous n'aurez une autre sorte d'intelligence. Fait que si vous apprenez pas petit à petit à vous désengager de cette émotivité-là, qui fait partie de la tâche que l'homme, que l'ego a pour la connaissance, vous pourrez jamais rentrer dans votre intelligence vibratoire. Si vous rentrez pas dans votre intelligence vibratoire, vous aurez jamais l'intelligence. Vous aurez l'intellect. Mais vous aurez jamais l'intelligence. L'intelligence appartient pas à l'ego. Puis quand tu commences à intercepter la vibration de l'intelligence, puis ton ego est suffisamment désengagé pour pouvoir la suivre à la lettre, là tu grandis. Là, tu grandis. Tu désengages toutes tes émotions. Parce que l'ego, il est pressé. Il veut mettre le clou dans le mur tout de suite. Puis c'est inutile pour moi de vous expliquer plus loin que ça, parce qu'à ce moment-là, ça tombe dans votre expérience. Ça tombe dans votre propre connaissance, votre propre compréhension. Puis les mots peuvent plus servir à l'expliquer, cette affaire-là. C'est vibratoire. La vie devient vibratoire. Elle vient totalement vibratoire. Elle n'est plus psychologique à aucun niveau. Parce qu'il n'y a plus d'ego. Tu ne sens plus ton ego. Tu ne sens plus ta personnalité. Là, tu fonctionnes. Au bout. Moins tu es intelligent, plus tu es intelligent. Moins tu es intelligent, plus tu es intelligent. Si tu es intelligent, tu es moins intelligent. Si tu trouves intelligent. Si tu trouves intelligent, tu es moins intelligent. L'intelligence appartient pas à l'ego. L'intelligence, c'est vibratoire. C'est pas psychologique. Ils connaissent tout. L'âme connaît tout, comprend tout. Fait que si l'âme a vu qu'elle veut te faire arranger ton char, rien que t'es pas cassé, comment est-ce qu'il fonctionne ton char, mais elle va pas te le faire tout de suite parce que tu vas te penser intelligent. Fait qu'elle te le fait pas. Elle dit, va chez le garagiste. Là, ça te fait le cul. Parce que tu dis, ah, t'es là, organise-toi, arrange-moi ça. Non. T'organises rien. Mais un jour, t'es pogné quelque part dans un champ, y'a pas de garagiste, ça va te faire trouver tout de suite. Parce qu'elle sait que t'as pas de choix, là. Pis c'est de même, ça marche. Moi, quand j'en range un, il faut la chemande. Y'a pas de restaurant dans le coin. Pis je commence à avoir faim, Charlie. Ben beau manger des biscuits soda, pis boire de l'eau. Là, je commençais à avoir le fou derrière. Mais quand t'es fusionné, tu paniques pas. Fait qu'automatiquement, j'avais ça. J'avais pas ce barrière-là. Mais j'ai dit ça, je vais-tu manger? Il disait, ouais, ouais, tu vas manger. Quand est-ce? Ce sera pas long. Puis à un certain moment, j'étais arrivé quelque part. Puis j'étais plus là. Tu sais, j'étais plus là. En tant qu'ego. Puis là, j'ai mangé. À ma faim. Puis tu vois l'énergie? Là, les larmes viennent, là. Là, c'est l'amour. C'est l'amour de l'âme pour l'ego qui comprend. C'est l'amour de l'âme pour l'ego qui souffre. C'est l'amour de l'âme. Puis ça m'amène à une affaire. C'est bien intéressant. Maudit que j'ai de l'amour. Ça, c'est bien intéressant. Quand tu deviens conscient, quand tu deviens conscient cosmique. Quand tu deviens conscient cosmique. Quand tu n'es plus dans ton égo, autrement dit. Puis que tu parles de l'âme. Tu parles de, de l'influence de l'âme dans la vie matérielle. Ce que l'âme t'a donné. T'sais, ce que l'âme t'a donné, ce que vous appelez vous autres des pouvoirs, automatiquement, elle te fait sentir son amour pour toi. Elle fait sentir son amour pour ton ego. C'est pour ça qu'à ce moment-là, les larmes viennent. C'est l'amour de l'âme pour l'ego. Puis c'est pour ça que quand on est obligé, quand l'ego, il n'y a plus d'homme qui peut l'aider, il n'y a plus un homme là, sur la terre qui peut l'aider, là. Parce qu'il est totalement coupé, puis qu'il a besoin de quelque chose d'essentiel, qui fait partie des principes essentiels de la vie. L'âme, elle te le donne. Elle y donne. Mais il n'est pas là. Il n'a pas d'ego dans ce temps-là. C'est pour ça qu'elle te le donne. Ça m'a pris 3 mois de m'en rappeler. C'est 3 mois après que je m'ai rappelé ça. 3 mois après. C'est tout ça que je dis. Les gens cherchent des pouvoirs, puis des pouvoirs. Vous n'aurez pas un crisse de pouvoir. Vous allez avoir des petites bébelles pour vous amuser, là. Pour vous meubler l'esprit, pour, t'sais. T'sais, l'ésotérisme, puis l'occultisme. Faire, je sais pas, moi. Ils vont faire vibrer votre corps éthérique un petit peu, là. Des pouvoirs. Ça explique les quasi-miracles que certaines personnes ont, les voient quand ils sont rendus au bout. Au bout. Mais ça, c'est pour prouver que ça existe. Quand t'es conscient, il n'y a pas de miracle. Et toujours là, l'homme. On appelle ça des miracles parce qu'on n'a pas de foi. Puis on appelle ça de la foi parce qu'on n'a pas de conscience. C'est ce qu'on avait dit. Mais quand t'es conscient, c'est tout, cette patente-là. Puis inquiète-toi pas, quand t'es pogné au bout du mur, elle te décroche. Mais elle t'amène au bout du mur, puis là, tu vibres en maudit, comprends-tu? Tu penses que tu vas crever de faim, t'es dans le désert, tout seul, puis il fait chaud, tu sais. Tu te fais déculotte. Tu te fais déculotte en maudit quatre déculottes pour tester ta résistance. D'un coup, là. Mais la vibration est tellement haute à ce moment-là qu'il n'y en a plus de réflexion dans l'ego. Là, elle fait ce qu'elle veut, elle te nourrit, puis elle prend soin de ton corps. Puis pour ça, tu t'en rappelles qu'elle a pris soin de ton corps, des mois après, tu sais. Parlez-moi pas de foi, vous autres. Parce que le monde me parle de foi, puis je vis en maudit. Parce que les gens n'ont pas de foi. Si les gens avaient de la foi... C'est de la haine. Non, la foi. Les gens, la foi, ont pas la foi. Les gens n'ont pas de foi. Ils n'ont pas la foi. Ils s'aiguisent la spiritualité, la foi. Maïas, la foi. Trouve-moi les autres du monde qui ont de la foi. On connaît pas. Regarde-tu? On connaît pas. Qu'est-ce que c'est, la foi? La foi? La foi, c'est la conscience totale. Le Christ, il avait de la foi. Ouais. La foi. Le monde n'a pas de foi. Foi. Ça veut dire que quand t'es dans l'énergie, l'énergie a créé. C'est l'énergie qui crée de la nette. C'est l'énergie qui crée. Elle crée ce qu'elle veut. C'est pas fait. C'est ça que j'ai dit avant, la foi. Quand t'es conscient, tu as besoin de foi. Mais j'explique l'affaire de la foi. Les gens n'ont pas de foi. Parlez-moi pas de foi. La foi chrétienne. My ass. La foi, ça voudrait dire vivre de l'âme. La foi, non. La foi, pour les gens, c'est vivre leur spiritualité. Non, je parle pas pour les gens. Mais ouais, quand tu vis de l'âme, t'as plus de foi. T'as plus besoin de ça. T'es foi. T'as pas... Le mot existe même plus. Ben, t'es en dehors des femmes, t'es en dehors. Foi. La foi. Ma mère, elle a de la foi. Elle va à messe le dimanche, puis le lundi, c'est un vrai diable. Elle te casse les pieds en gueule. La foi. Le monde me font rire. La foi, ça fait partie. La foi, ça fait partie de la spiritualité. Quand t'es conscient, t'as pas besoin de ça, cette affaire. T'es en dehors de la forme, inquiète pas. C'est là que t'as de la foi. Comprends-tu, Védé? Comprends-tu, Védé? Quand t'as plus de foi, t'as de la foi. Quand t'as plus de foi, quand t'es conscient pis t'as plus de foi, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que quand t'es conscient, t'es plus pogné dans la forme de la foi. Là, t'es foi. Tu n'as de la foi. Comment tu veux dire? Non, t'as de la foi quand t'es pas sûr. Quand tu dois de la foi. Quand t'es sûr d'être sûr, qu'est-ce que tu veux? Autrement dit, montre-moi un homme qui a de la foi, puis je te montrerai un homme qu'à un certain moment, il va apparaître sa foi. Où il y a de la foi, il y a du doute. C'est ça que je veux dire. Où il y a de la foi, il y a du doute. Puis un homme qui aurait de la foi, dans le sens qu'il disait le Nazaréen, il n'y a plus de doute. Mais non. À ce moment-là, inquiète pas. Il sait que c'est là. Ouais. Ouais. Il n'y a plus besoin d'avoir la foi. Ouais. Il y a petite foi, pas grande foi. Ouais. Il y a une foi de bœuf, il y a une foi de veau. La foi. Il était une fois dans l'Ouest. Ça en prend moins un peu de foi pour l'interception de la vibration. Se décider à y faire confiance. Si. Quand tu es rendu à te décider de faire confiance, c'est pas de la foi. Ça fait partie de la vibration de ton âme dans ton esprit. Tu sors de la foi un petit peu. Mais tu t'es attaché un petit peu, mais t'en sors. T'es attaché un petit peu, mais t'en sors. Toi, tu sors un petit peu de ta foi, mais t'es attaché un petit peu. Tu comprends, vas-y? C'est une super possibilité. Ouais. Il y a la foi, il y a le doute. Où il y a de la foi, il y a de la doute. Il y a du doute. Mais l'interception.